Raconte-moi, ça fait quoi d'avoir des amis? Tellement d'amis, j'ai juste envie d'être. Tellement d'amis, j'ai juste envie d'être. Tellement d'amis, j'ai juste envie d'être seul. Tellement d'amis, j'ai juste envie d'être. Tellement d'amis, j'ai juste envie d'être. Tellement d'amis, j'ai juste envie d'être seul. Des amis depuis à l'école. Depuis je peux dire qu'ils ont raté le coche. Ils racontent que les mêmes anecdotes de trucs qu'on a pu faire à l'époque. Pour eux c'est stylé, pour moi c'est glauque. Ils veulent pas voir qu'ils sont passés de mode. Je les appelle potes mais c'est pas mes potes, parce que je leur confierai pas mes gosses. J'ai des amis qui m'insultent et qui m'appellent dès qu'ils ont besoin d'un truc. J'ai des amis que j'aimerais voir bien plus, je peux jamais à cause du taf bien sûr. J'ai des amis que j'appelle potes, c'est des collègues en vrai je connais pas très bien. Et y'a de fortes chances que si j'apprenais à les connaître un peu mieux, je les aimerais moins. Tellement d'amis j'ai juste envie d'être. Tellement d'amis j'ai juste envie d'être. Tellement d'amis j'ai juste envie d'être seul. Tellement d'amis j'ai juste envie d'être. Tellement d'amis j'ai juste envie d'être. Tellement d'amis j'ai juste envie d'être seul. J'aimerais dire que je les aime, mais les amis c'est que des problèmes. Mon cœur débat, ma tête est pleine. Tel qui fait la gueule à un tel, qui sort avec un tel, qui s'embrouille avec un tel, qui doit des thunes à un tel, qui couche avec un tel, tu sais la meuf d'un tel. J'ai juste envie de... La famille c'est des potes qu'on choisit pas. Des fois c'est simplement invivable. Entre les ragots des uns qui parlent, les autres qui se plaignent qu'on les invite pas. Y'a ceux qui passent qui préviennent personne. Je veux plus voir leur gueule dans l'interphone. Un pote que je vois plus, sa femme est folle. Elle est bonne, c'est pas une bonne personne. J'ai des amis pour le réseau, quand y'a plus de réseau bah y'a plus d'amitié. J'ai des amis en ligne par milliers, ils me connaissent pas et je sais pas qui c'est. J'ai des potes opportunistes qui disparaîtront du jour au lendemain. J'ai des nouveaux amis qui débarquent un peu tout le temps, qui seront toujours là quand j'en aurai jamais besoin. Tellement d'amis j'ai juste envie d'être. Tellement d'amis j'ai juste envie d'être. Tellement d'amis j'ai juste envie d'être seul. Tellement d'amis j'ai juste envie d'être. Tellement d'amis j'ai juste envie d'être. Tellement d'amis j'ai juste envie d'être seul. J'aimerais dire que je les aime, mais les amis c'est que des problèmes. Mon cœur débat, ma tête est pleine. J'ai même plus la place pour moi-même. J'aimerais dire que je les aime, mais les amis c'est que des problèmes. Mon cœur déborde, ma tête est pleine. J'ai même plus la place pour moi-même. Tellement d'amis j'ai juste envie d'être seul. Tellement d'amis j'ai juste envie d'être seul. Seul, seul, seul, seul. Tellement d'amis, j'ai juste envie d'être seul. Seul, seul, seul, seul. En fait, j'ai tellement d'amis que souvent j'ai juste envie d'être seul.